Moïse et Darwin. L'homme de la jeunesse comparé à l'homme singe, ou l'enseignement religieux opposé à l'enseignement athée, par le docteur Constantin James. Édition Blood et Barral 1882. Des races humaines. C'est une question toute moderne, histoires impossibles reproduites par Aristote et par Pline, plus tard par Rondelet, erreurs basées sur des apparences, Voltaire et les darwinistes, trois grandes races humaines d'après Blumenbach, leurs traits particuliers, deux accessoires, les trois fils de Noé. La question des races humaines, de leur pluralité et même de l'homme envisagé comme type, est une question toute moderne. Les anciens n'avaient à cet égard que des idées aussi bizarres que confuses. Privés des lumières de l'anatomie comparée, qui seule peut donner les éclaircissements voulus, et obligés de s'en rapporter aux récits de voyageurs mal renseignés ou amis du merveilleux, ils n'ont eu le plus souvent à enregistrer que des fables ou des fictions. Aristote, qui relève quelques erreurs d'Hérodote, en adopte une foule d'autres qui les valent. Il croit, par exemple, qu'il y a des peuples androgynes, il va même jusqu'à distinguer chez le même individu deux seins différents, le sein droit, qui est celui de l'homme, et le sein gauche, qui est celui de la femme. Pline parle de peuples qui n'ont qu'un œil, de peuples qui ont les pieds tournés en arrière, etc. Il parle, sur la foi de Ctésias, de peuples qui, faute de bouche, se nourrissent par l'odorat et la respiration, et même de peuples sans tête et qui ont les yeux sur les épaules. Or notez qu'il semble trouver tout cela on ne peut plus naturel. Les modernes n'y ont mis, d'abord, ni plus de mesure, ni plus de discernement. Ainsi Ondelet, c'est excellent, mais trop crédule naturaliste, décrit gravement un évêque ou moine marin, lequel avait, dit-il, sur un corps de poisson, face d'homme, mais rustique et mal gracieuse. Ce n'est, à vrai dire, qu'à dater de notre époque que, grâce au progrès de l'anatomie et aux facilités des voyages, on a pu obtenir les documents voulus pour traiter pertinemment un aussi grave sujet. Je dis que le sujet est grave, c'est qu'effectivement il soulève, à côté de la question scientifique, une question religieuse. Si les races humaines constituent autant d'espèces différentes, que devient l'unité de l'homme représentée originairement par Adam, puis plus tard par Noé? Que deviennent par conséquent les récits bibliques? Il est de fait que, lorsque l'on compare nos populations, si fières des produits brillants de leur industrie, avec ces peuplades demi-sauvages qu'on dirait tenir de la brute, les apparences semblent être contre l'unité de l'homme. Aussi entendez-vous tous les jours nos darwinistes répéter avec Voltaire, qu'il n'y a qu'un aveugle qui puisse douter que les blancs, les nègres, les albinos, les hottentots, les lapons, les chinois et les américains, ne soient des races entièrement distinctes. Confère essai sur les mœurs. Introduction du tome 15. Eh bien, la science est cet aveugle, car elle est parvenue à remonter de ces diverses races au premier homme, avec assez de précision pour pouvoir affirmer que l'humanité tout entière descend d'un père unique. Sans doute, ces races sont nombreuses, ce qui doit beaucoup compliquer le problème, et cependant leur classement est plus facile et plus simple qu'on ne serait tout d'abord tenté de le croire, car elles se rapportent toutes à un même type. L'ethnographe qui a le mieux étudié cette question est Blumenbach, prenant pour point de comparaison la forme du crâne, ainsi que la couleur du teint, des cheveux et de l'iris, il distingue trois grandes races humaines, la caucasique, la mongolique et l'éthiopique. La caucasique présente un crâne en forme d'ovale, le front et le nez saillants. La face petite relativement au crâne. C'est la race à laquelle nous appartenons. L'éthiopique n'offre plus cet ovale du crâne. Chez elle, le crâne est aplati sur les côtés, la mâchoire supérieure saillante, le front reculé. Le nègre peut être cité comme spécimen. La mongolique se fait remarquer par une face élargie, un nez écrasé, des yeux plus ou moins obliques, une mâchoire supérieure moins saillante que dans la race éthiopique. À cette catégorie se l'attachent les populations tartares. Il y a bien, en plus de ces trois grandes races, la race américaine et la race malaise, mais nous ne nous y arrêterons pas, car elles n'offrent pas de caractère assez tranché pour qu'on puisse les ranger dans un cadre à part. La race américaine paraît être une dépendance de la race mongolique, et l'on peut croire que la race malaise n'est qu'un mélange des races mongoliques et éthiopiques. Disons, en passant, que ces trois divisions des races humaines se trouvent précisément correspondre aux trois fils de Noé, Sem, Cham et Japhet. Ce qui prouve la justesse de cette classification, c'est la sanction que lui ont donnée les hommes les plus compétents sur ces matières, les naturalistes, Cuvier en tête, par leurs études comparatives sur le règne animal, les géographes, sur les pas de M. Walkenier, par leurs recherches sur les communications entre les continents, les navigateurs, sous la conduite de Dumont d'Urville et de Freycinet, par l'inspection des traits et des habitudes des différents peuples du globe. Tous s'accordent à dire que ces trois divisions de la grande famille humaine ne sont que l'épanouissement d'une unité primitive. C'est cette unité dont nous allons maintenant entreprendre à notre tour la démonstration. Unité de l'homme. L'homme forme une espèce à part, trois systèmes sur son origine, les pré-adamistes, les polygénistes, les monogénistes, l'unité de l'homme acceptée par les principaux naturalistes. Quatre objections principales, une cinquième particulière à Darwin, Darwin en désaccord avec lui-même. Toutes les espèces animales ont des espèces voisines ou consanguines de la leur. L'homme seul forme une espèce à part, exclusive de toute autre. L'exclusivité n'appartient donc qu'à lui. C'est là du reste un point sur lequel tout le monde est d'accord, y compris même les darwinistes, du moins pour l'homme actuel. Où le désaccord commence, c'est pour ce qui touche à l'unité de l'homme. Les dissidents peuvent être rangés en trois classes, les pré-adamistes, les polygénistes et les monogénistes. On appelle pré-adamistes, dit M. l'abbé Vigouroux, dans son manuel biblique, ceux qui prétendent qu'il a existé avant Adam une race humaine qui aurait été créée le sixième jour, comme les animaux. On suppose qu'elle parut à la fois sur toute la terre et qu'elle ne fut pas submergée par le déluge. D'elle provinrent les gentils, qu'il ne faut pas confondre avec les juifs qui eurent Adam et Ève pour ancêtres. Ce système dont l'invention est due à Isaac Lapeyrère, 1635, ne repose que sur certains passages mal interprétés de la Genèse. Aussi, après avoir eu, comme tous les faux systèmes, la vogue d'un moment, ne tarda-t-il pas à tomber dans un complet oubli dont on a essayé vainement de le faire sortir de nos jours. Nous n'en parlons donc ici que pour mémoire. Les polygénistes sont ainsi nommés parce qu'ils prétendent qu'il a existé originairement plusieurs espèces humaines parfaitement différentes et indépendantes les unes des autres. Ainsi s'explique, d'après eux, la diversité des peuples répandus actuellement sur la surface du globe. Les polygénistes sont la plupart des Américains. Leur erreur provient de ce qu'ils confondent l'espèce avec la race. Elle s'explique surtout par leur antipathie si prononcée pour les nègres. Enfin, il y a les monogénistes. Ceux-là n'admettent qu'une seule espèce humaine, mais avec plusieurs races, appartenant toutes à une espèce unique et procédant d'un même tronc. C'est cette unité de l'homme ainsi comprise qui est acceptée aujourd'hui par la très grande majorité des naturalistes, et des naturalistes les plus éminents. Elle a trouvé surtout dans Monsieur de Quatrefages un très habile défenseur. Aussi ferons-nous à son important travail de nombreux emprunts. Mais il nous faut parler d'abord des objections dont elle a été l'objet. Ces objections portent sur quatre chefs principaux, la couleur de la peau, la configuration physique, la taille et les obstacles géographiques. Il y a enfin une cinquième objection, qui appartient en propre à Darwin, celle-là porte sur les parasites de l'homme. Et cependant, Darwin déclare ailleurs que les nombreux points de ressemblance entre les races humaines sont dus probablement à ce qu'elles descendent d'une forme parentale unique. Comment expliquer cette contradiction? Peut-être faut-il n'y voir que le désir d'être impartial, en reproduisant les opinions pour et les opinions contre. En tout cas, comme l'école de Darwin admet généralement la pluralité des espèces humaines, nous réfuterons l'une après l'autre chacune des objections qu'elle fait valoir à l'appui de sa thèse. Objection tirée de la couleur de la peau. Les nègres, saisissement produit par leur vue, action de la chaleur sur la coloration de la peau, Buffon, de quoi la peau se compose, le pigment uni, rôle qu'il joue, il n'est pas l'apanage exclusif du nègre, sa présence chez l'homme blanc, chambre obscure de l'œil, albinos, changement de teinte opéré par les climats, blanc devenu noir, prune et baie, monsieur Resset, noir devenu blanc, améré et Buffon, cheveux laineux, une négresse blonde, raisin noir et raisin blanc. C'est surtout la couleur noire de la peau qu'on a invoquée contre l'unité de l'homme. Qui eût osé croire, s'écrit Pline, à l'existence des Éthiopiens, avant de les avoir vus. Lorsque les Portugais, dit à son tour Reynal, ayant dépassé le Niger, trouvèrent des hommes absolument noirs, avec des cheveux crépus, ils doutèrent d'abord s'ils ne devaient pas rétrograder. Aujourd'hui encore, nombre de personnes, peu au courant, il est vrai, des données de la science, sont tellement impressionnées par cette étrange coloration de la peau, qu'il leur faut un Adam noir comme il leur faut un Adam blanc. Et cependant, il s'agit ici d'un simple fait physique, dû presque uniquement aux différences de température du climat. Lorsque la chaleur est excessive, comme au Sénégal et en Guinée, les hommes sont entièrement noirs, lorsqu'elle est un peu moins forte, comme sur les côtes orientales de l'Afrique, les hommes offrent une teinte moins foncée, lorsqu'elle commence à devenir tout à fait supportable, comme en Barbarie, aux Mongols, en Arabie, les hommes ne sont que bruns, enfin, lorsqu'elle se rapproche de la moyenne, comme en Asie et en Europe, les hommes sont blancs. Ainsi, la chaleur est la grande cause qui modifie la couleur des hommes, et, quoi qu'il y ait un nombre presque innombrable de races et sous-races humaines, il n'y a cependant qu'une seule espèce, il n'y a qu'un homme. C'est ce que Buffon a très élégamment exprimé dans une de ses deux phrases heureuses qui sont le cachet de son style. L'homme, blanc en Europe, noir en Afrique, jaune en Asie et rouge en Amérique, n'est que le même homme teint de la couleur du climat. Ceci est si vrai que, pas plus chez le nègre que chez les autres races à teint plus ou moins foncé, il n'existe de changement dans la texture anatomique des tissus. Tout se borne à certaines particularités d'un ordre tout à fait secondaire. Essayons d'en donner la clé. La peau, considérée dans son ensemble, se compose essentiellement de trois couches, l'épiderme, le derme et le corps muqueux de Malpighi. L'épiderme est cette même membrane translucide et mince qui se soulève par l'action de la brûlure ou du vésicatoire, pour former ce qu'on nomme vulgairement, une cloche, ou une ampoule. Le derme est ce tégument solide et résistant qu'on appelle le cuir chez les animaux, et la peau, à proprement parler, chez l'homme. Quant au corps muqueux, de Malpighi, il est placé entre le derme et l'épiderme, et représente une continuité de cellules pressées les unes contre les autres, comme les alvéoles d'une ruche, et communiquant entre elles très librement. C'est dans ces cellules que se trouve la matière colorante, semi-liquide et étalée en nappe, qu'on appelle pigmentum, et c'est dans ce pigmentum que s'opèrent les phénomènes de changement de coloration de la peau. Puisque telle est l'importance de son rôle, entrons dans quelques détails sur la manière dont il se comporte suivant les différentes races. Du pigmentum. Chez le blanc, le pigmentum est presque incolore ou ne présente qu'une légère teinte brunâtre, il se fonce chez les races jaunes et cuivrées, et chez les blancs eux-mêmes, quand ils ont le teint brun, enfin, chez le nègre, il devient d'un noir plus ou moins accentué. On voit à quoi se réduit ce phénomène de la coloration des races humaines. De l'une à l'autre, il n'y a pas apparition d'organes ou d'éléments organiques nouveaux. Tout réside dans le pigmentum qui, chez toutes, est le même par son siège et sa nature, seulement, à partir d'un terme moyen, il se fonce ou s'affaiblit, et passe d'une nuance à l'autre, de manière à devenir plus ou moins prédominant dans tel de ces éléments. Mais, dira-t-on, la couleur noire constitue pour le nègre un cachet tout à fait à part, puisqu'elle se perpétue chez lui de génération en génération. Cela est vrai, ne voyez pas toutefois dans cette transmission un caractère de fixité propre à certaines organisations humaines. C'est tout simplement une affaire d'hérédité, comme on en rencontre tous les jours pour d'autres particularités, telles que, par exemple, la couleur des cheveux ou de la barbe, les parents transmettant à leurs enfants la teinte qu'ils ont reçue de leurs aïeux. Le pigmentum est si peu l'apanage exclusif du nègre que vous en retrouvez des traces jusque chez l'homme blanc. Ainsi ces grains dits de beauté, ces taches de rousseur ou de naissance, ces auréoles brunâtres qui chez quelques personnes, entourent le mamelon et d'autres régions encore, qu'est-ce donc, sinon une sorte d'échantillon du pigmentum du nègre? Note. On sait que les femmes blondes sont sujettes à se couvrir de taches de rousseur par l'action des rayons solaires. Le microscope apprend que le phénomène se passe à l'intérieur du pigmentum, lequel se trouve impressionné par la lumière, un peu comme l'impressionne la plaque du photographe. Fin de la note. Il est même des points de notre individu où ce pigmentum existe d'une manière aussi constante que chez le nègre, et même est indispensable à l'exercice régulier de l'organe qui en est le siège, cet organe, c'est l'œil. On sait en effet que l'œil représente une chambre obscure, et que cette obscurité est due à une couche de pigmentum qui tapisse toute sa face intérieure. Que ce pigmentum se décolore, et la vision s'opérera difficilement, c'est ce qui arrive chez l'albinos. Cette décoloration ne reste pas chez lui bornée à l'œil, elle s'étend aux cheveux, aux sourcils, à la barbe et à tout l'ensemble des téguments. Quelquefois elle se montre héréditaire dans certaines familles. Nous avons attribué la couleur noire du nègre à l'intensité et à l'action continue de la lumière et de la chaleur atmosphérique. Mais on a fait remarquer qu'il existe dans le Nouveau Monde un continent, voisin de la zone torride, où ne se rencontre pas un seul nègre, la population appartenant à la race jaune. D'où on a conclu que l'explication basée sur le pigmentum était ici en défaut. Je ne nie pas le fait, je conteste seulement les conclusions qu'on en a déduites. Il n'y a pas plus pour la race jaune d'organes nouveaux qu'il n'y en a pour la race noire. La teinte jaune comme la teinte noire provenant tout simplement d'une différence de ton dans la couleur du pigmentum. Pourquoi maintenant, à latitude égale, sera-t-on jaune en Amérique et noir en Afrique? C'est là l'effet de certaines actions climatologiques qui ne touchent pas au fond même du débat et qui doivent d'autant moins nous arrêter qu'il nous reste à traiter d'autres questions qui s'y rattachent au contraire entièrement. Ainsi on a dit, si réellement le climat exerce une action aussi marquée sur la coloration des races, nous devrons voir des phénomènes analogues se reproduire sous nos yeux par le seul fait d'un changement apporté d'une manière continue aux conditions climatologiques originelles. C'est effectivement ce qui a lieu. Il est constant, par exemple, que des individus de race blanche ont tourné au nègre, par cela seul qu'ils avaient séjourné un certain temps sous un ciel beaucoup plus chaud que leur ciel natal. Prunebet dit avoir vérifié ce fait sur nombre de personnes. Il cite tout particulièrement le cas des frères d'Abadi, de M. Chimper et de M. Baroni, à leur retour d'Abyssinie. Lui-même a vu son teint se bronzer, ses cheveux se foncer et devenir bouclés, de clair et lisse qu'ils étaient habituellement, à la suite d'un séjour de 3 années seulement à Tehama en Arabie. Par contre, le nègre transporté en Europe verra sa teinte caractéristique s'éclaircir, en commençant toujours par les parties les plus saillantes, telles que l'oreille et le nez. Ces changements peuvent aller jusqu'à donner à un individu toutes les apparences d'une race fort différente de la sienne. C'est surtout en Amérique que ce dernier phénomène s'observe sur une grande échelle. L'Africain, dit M. Ressay, arrivé dans le nord des États-Unis, perd au bout de peu de temps sa teinte noire pour tourner au grisâtre. L'enfant né de nègre et de négresse pure reproduit le type de ses pareils, mais atténué. Le teint général de sa peau s'est surtout singulièrement éclairci et le rapproche de plus en plus du blanc. Enfin, la teinte noire est si peu inhérente à l'essence même de l'individu, qu'il pourra se faire qu'en dehors de toute action produite par un changement de climat, la couleur de la peau se modifie spontanément, sans cause appréciable, par le fait d'une sorte de caprice de l'économie. Hammer et Buffon en citent 2-4 trop curieux et trop concluants pour que je ne les reproduise pas ici. Il s'agit d'un jeune nègre et d'une jeune négresse pur sang. Tous deux, vers l'âge de 15 ou 16 ans, commencèrent à blanchir, le premier à la suite d'un léger accident, la seconde sans cause connue. Les phénomènes furent d'ailleurs à peu près identiques dans les deux cas. Le changement de coloration eut lieu d'une manière progressive. La teinte générale s'affaiblit d'abord, puis des taches blanches apparurent, grandirent peu à peu et envahirent le corps tout entier. Les villosités et les cheveux participèrent à ce changement et devinrent ou blancs ou blonds, là où la peau avait blanchi. Les deux individus conservèrent une santé parfaite, toutes leurs fonctions continuant à s'exercer très régulièrement. La peau surtout ne présenta jamais de traces de maladie, elle était rosée et semblable en tout à celle d'un individu de race blanche. Hammer et Buffon ont insisté, avec raison, sur ce dernier détail, qui prouve qu'il s'agit ici d'une simple affaire de pigmentum, et non d'aucune de ces affections cutanées qui changent la couleur de la peau en s'attaquant au derme. Nous venons de voir, dans les deux faits ci-dessus, que la chevelure était devenue blonde en même temps que la peau devenait blanche. C'est que la matière colorante des cheveux est une sorte d'huile assez analogue au pigmentum de la peau, il n'est donc pas étonnant qu'elle ait subi, dans la transformation de nos deux négrillons, les mêmes influences que la peau elle-même. Nous ferons remarquer, à propos des cheveux du nègre, que c'est bien à tort qu'on a désigné leur apparence crépue par une épithète qui les assimile à la toison de nos troupeaux, on dit des cheveux laineux. Ils ressemblent bien plutôt à du crin crispé, et ne sont en réalité que des cheveux ordinaires, seulement plus gros et plus rudes que les nôtres, ajoutons qu'ils ont absolument la même composition chimique. D'ailleurs, ne sait-on pas qu'il y a des personnes, surtout des femmes, dont les cheveux sont tellement ondulés, que cela rappelle la tignasse du nègre? Je me rappelle avoir vu, à un des derniers bals de l'Élysée, sous la présidence du maréchal MacMahon, une jeune Écossaise, notablement belle, à qui sa chevelure, par sa disposition feutrée, donnait l'aspect d'une négresse blonde, et cependant, il ne coulait dans ses veines aucune goutte de sang éthiopien. Je terminerai par un rapprochement emprunté au règne végétal que nous savons être régi par les mêmes lois que le règne animal. La matière colorante du raisin noir est représentée également par une sorte de pigmentum. Or le raisin noir et le raisin blanc ne forment bien réellement qu'une seule et même espèce. Pourquoi en serait-il autrement du nègre et de l'homme blanc? Objection tirée de la configuration physique. Défiguration chez certains peuples, c'est un simple enlaidissement des types naturels, les milieux et leur action, un exemple emprunté au Dr Hall, les deux extrêmes offerts par la même race, ce qu'il faut en conclure. Nègre subissant la loi du retour, il se rapproche des blancs, européens éprouvant des influences inverses, l'anglo-saxo-américain, le yankee, tous font partie de la grande famille humaine. Mais ce n'est pas seulement par la couleur de la peau, c'est aussi par certaines particularités, rien moins que gracieuses, dans la conformation de la tête et du visage, que le nègre diffère du blanc. Ainsi, ce front fuyant, ce nez épaté, ces pommettes saillantes, ces lèvres épaisses, ce bas de la figure allongé en museau, tout cela donne à sa physionomie quelque chose de bestial. Même remarque pour l'Australien, moins la couleur noire. Comment reconnaître dans ce signalement trop fidèle les traits si fins et les lignes si pures de la race caucasique? Et cependant, malgré tous ces contrastes, la différence est moindre qu'on ne serait tout d'abord tenté de le croire. Notons en effet que ce qui nous frappe chez ces populations dégradées, c'est plus encore la réunion de toutes ces laideurs que ces laideurs elles-mêmes, car nous les rencontrons en détail chez les individus de notre propre race. Combien en connaissons-nous, par exemple, qui ont du côté du front, du nez, des pommettes, des lèvres ou du bas du visage, quelqu'une des défigurations que nous avons dit caractériser la tête du nègre et de l'Australien. Seulement, je ne saurais trop faire remarquer que tout ce qui se trouve rassemblé ainsi chez eux à l'état de capital se trouve réparti chez nous à l'état de petite monnaie, mais, en réunissant cette petite monnaie, on reconstruit en entier le capital. Il ne s'agit donc point ici, et c'est là le nœud de la question, il ne s'agit donc point ici de l'apparition de types nouveaux, mais uniquement de modifications en lait des types naturels. Comment maintenant ces modifications sont-elles survenues? Comment surtout comprendre qu'elles aient envahi des races tout entières? J'en trouve la cause dans l'action des milieux où les individus se sont trouvés placés. Mais d'abord expliquons-nous sur ce qu'il faut entendre par le mot milieu. Je désigne ainsi avec Monsieur de Quatrefages l'ensemble des conditions ou des influences quelconques, physiques, intellectuelles ou morales, qui peuvent agir sur les corps organisés. Citons maintenant, comme spécimen du mode d'action de ces milieux, le fait suivant que rapporte le Dr Hall dans son introduction à l'ouvrage de Pickering. À la suite des guerres de 1641 et 1689 entre l'Angleterre et l'Irlande, de grandes multitudes d'Irlandais furent chassés des comtés d'Armagh et de Down, dans une région montagneuse qui s'étend à l'est de la baronnie de Flouze jusqu'à la mer, et dans les comtés de Leitrim, Sligo et Mayo. Depuis cette époque, ces populations ont eu à subir presque constamment les effets désastreux de la faim et de l'ignorance, ces deux grands agents de dégradation. Aussi les descendants de ces exilés se distinguent-ils aisément des aînés de leur race par les caractères que voici. La bouche est entr'ouverte et projetée en avant, les dents sont proéminentes, les gencives saillantes, les mâchoires avancées. Le nez déprimé. Tout leur trait porte l'empreinte de la barbarie, la charpente même du corps a été altérée, la taille a été réduite à 5 pieds 2 pouces, le ventre s'est ballonné, les jambes sont devenues cagneuses et les bras ceux d'un avorton. Ainsi s'exprime le Dr Hall. Or, toute personne un peu au courant des caractères qui distinguent les races humaines aura reconnu, dans cette description, les attributs réunis des populations nègres et des populations australiennes les plus infimes. L'auteur ajoute, tout le monde sait que, dans d'autres parties de l'île, là où la population n'a jamais senti l'influence de ces causes de dégradation, la même race fournit des exemples parfaits de beauté et de vigueur physique et morale. Voilà ce me semble, qui doit convaincre les esprits, même les plus prévenus, de l'action qu'exerce l'influence des milieux sur les caractères anatomiques des races humaines, d'où je conclus que l'abâtardissement des familles irlandaises, parquées comme un vil bétail dans un district misérable, est l'image de ce qui a dû arriver aux époques primitives. À certaines populations exposées sans défense à des climats meurtriers, ou mal sustentées par un sol non encore façonné à la culture. D'où je conclus encore que, l'on peut expliquer par l'action continue de milieux aussi déplorables la formation de la race nègre et de la race australienne. Si l'explication que je viens de donner est la vraie, en plaçant ces populations déshéritées dans le milieu où se sont trouvées, dès le principe, celles qui ont dû à cette circonstance de maintenir intacte la pureté de leur type, elles devront, en vertu de la loi du retour, récupérer cette même pureté de type, puisqu'elles en avaient reçu, elles aussi, l'empreinte originelle. C'est précisément ce qui arrive. Nous allons voir que les traits du nègre, car c'est toujours lui qu'on prend comme point de comparaison, nous allons voir que ses traits se modifient, comme s'est modifiée la couleur de sa peau, et qu'il vient un moment où ce n'est plus le même homme. Monsieur Liel a trouvé, dit le Dr Hall, par suite de nombreuses recherches faites auprès des médecins résidant dans les États esclaves, et par le témoignage de tous ceux qui ont porté leur attention sur ce sujet, que, sans aucun mélange de race, la tête et le corps des nègres placés en contact intime avec les blancs se rapprochent de plus en plus, à chaque génération, de la configuration européenne. On ne saurait nier, dit également Monsieur Élisée Reclus, les progrès constants des nègres des États-Unis dans l'échelle sociale, même sous le rapport physique, ils tendent à se rapprocher de leur maître. Ils n'ont plus le même type que les nègres d'Afrique, leur peau est rarement d'un noir velouté, bien que presque tous leurs ancêtres aient été achetés sur la côte de Guinée, ils n'ont pas les pommettes aussi saillantes, les lèvres aussi épaisses, le nez aussi épaté, la laine aussi crépue, la physionomie aussi bestiale, l'angle facial aussi aigu que leurs frères de l'Ancien Monde. Dans l'espace de 150 ans, ils ont, sous le rapport de l'apparence extérieure, franchi un bon quart de la distance qui les séparait des Blancs. Et quoi ? Par le seul fait des influences du milieu dans lequel ils auront vécu, un siècle et demi leur aura suffi pour franchir le quart de la distance qui les séparait des Blancs. Mais alors il est permis de calculer qu'après une même période de temps répétée trois fois toute ligne de démarcation aura disparu entre les deux races. Comment s'obstiner à soutenir que ces deux races ne descendent pas d'un géniteur commun ? Citons encore un exemple, celui-là emprunté à notre propre race, sur l'influence que subit la configuration de l'homme, par le seul changement d'un climat en un autre climat qui le vaut. Cunningham avait déjà remarqué qu'en Australie les caractères du type anglais sont entamés dès la première génération. C'est au point, écrivait-il, qu'un jeune créole se reconnaît très facilement d'un individu du même âge né en Angleterre. Mais nulle part ce genre d'expérience n'a été fait sur une aussi grande échelle qu'en Amérique, c'est donc là qu'il nous faut chercher nos preuves. Le docteur Prunebet, qui est certainement l'homme qui a le mieux étudié ces questions, nous a donné de l'Européen émigré en Amérique un tableau si fidèle et un exposé si lucide, que je ne saurais mieux faire que de le transcrire ici textuellement. L'anglo-saxon américain présente, dit-il, dès la seconde génération, des traits du type indien qui le rapprochent des Lenni-Lenape, des Iroquois, des Cherokees. Plus tard, le système glandulaire se restreint au minimum de son développement normal, la peau devient sèche comme du cuir, elle perd la chaleur du teint et la rougeur des pieds qui sont remplacés, chez l'homme, par une teinte limoneuse, chez la femme, par une pâleur fade. La tête se rapetisse et s'arrondit ou devient pointue, elle se couvre d'une chevelure lisse et foncée de couleur. Le cou s'allonge, on observe un grand développement des pommettes, les fosses temporales sont profondes, les mâchoires massives. Les yeux sont enfoncés dans des cavités très profondes et assez rapprochées l'un de l'autre, l'iris est foncé, le regard perçant et sauvage. Le corps des oslons s'allonge, principalement à l'extrémité supérieure, si bien que la France et l'Angleterre fabriquent pour l'Américain des gants à part dont les doigts sont exceptionnellement allongés. Les cavités de ces os sont très rétrécies, les ongles prennent facilement une forme allongée et pointue, etc. Je ne pousserai pas plus loin ces citations, le passage que nous venons de reproduire faisant voir parfaitement qu'il s'est opéré chez le colon anglo-saxon une complète métamorphose. Ainsi donc, il aura suffi d'un simple changement dans les milieux environnants, toutes les autres conditions de la vie sociale restant les mêmes, pour créer une nouvelle race, la race Yankee. Les polygénistes prétendront-ils également que cette nouvelle race ne fait pas partie de la grande famille humaine ? Objection tirée des différences de la taille. Les variations portent sur le système osseux, différence d'épaisseur des vertèbres, taille des patagons, taille des lapons, taille des bochimènes, moyenne entre ces tailles, un ingénieux procédé de Monsieur de Quatrefages. J'ai quelque peine à prendre cette objection au sérieux, tant elle me paraît futile, et cependant il le faut, ne fût-ce qu'à cause de la phrase de Voltaire que nous avons citée, par laquelle il demande que les lapins soient relégués dans une catégorie à part, à cause de leur petite taille. Voyons donc en quoi cette petitesse de taille peut devenir un argument contre l'unité des races humaines. Toute variation dans la taille porte nécessairement sur le système osseux, qui constitue la charpente du corps, et plus spécialement sur la colonne vertébrale. Quant à la structure proprement dite du squelette, elle reste absolument la même comme nombre, comme disposition et comme forme des os. Les proportions seules varient pour s'harmoniser avec la taille de l'individu. Aussi, lorsqu'on vient à comparer entre elles les diverses races humaines, est-il impossible d'indiquer quelques caractères anatomiques fixes qui les différencient? Je sais qu'on a signalé la saillie exagérée du talon comme particulière à la race nègre. Mais, si cette saillie existe chez le nègre d'Abyssinie, elle manque complètement chez le nègre de la côte occidentale d'Afrique, et, par suite, elle ne saurait être indiquée comme signe distinctif d'une espèce à part. C'est donc principalement à la colonne vertébrale qu'il faut demander la cause des variations de la taille. Comme chez l'homme, les vertèbres existent toujours en même nombre, les différences ne portent que sur leur plus ou moins grande épaisseur, laquelle épaisseur tient à l'évolution du corps même de l'os par le fait de la croissance. Si, comme cela se voit tous les jours, cette évolution est contrariée pour une raison quelconque et que l'homme reste enfant par la taille, devra-t-il pour cela être distrait de la race à laquelle il appartient par le sang pour aller prendre place dans une autre race? Pareille conclusion ne serait pas soutenable. Je sais bien qu'en parlant de ces différences de taille, on a surtout en vue non pas des individus isolés, mais des populations tout entières. Prenons donc, comme point de comparaison, les deux extrêmes, les patagons et les lapons. La taille des patagons avait été singulièrement exagérée par les premiers navigateurs, ainsi Pigafetta, l'historien du voyage de Magellan, ne leur accordait pas moins de 13 pieds, 4,20 m, de haut. Ovido, l'historien du voyage de Loaïsa, se montrait plus généreux encore, il parlait de 14 et de 15 pieds, mais cette taille s'est trouvée très réduite à mesure que les observations ont été plus précises. Voici les renseignements qu'Alcide d'Orbigny, qui a séjourné longtemps dans ce pays, nous a donné sur ces prétendus géants. Le plus grand patagon qu'il ait mesuré avait 5 pieds 11 pouces, 1,915 m, 5 pieds 11 pouces, mais il n'est pas nécessaire d'aller jusqu'en Patagonie pour observer de semblables phénomènes. Nous en rencontrons tous les jours, à Paris, se promenant tranquillement, comme de simples mortels, sur nos boulevards. La moyenne obtenue par d'Orbigny a été de 5 pieds 4 pouces, 1,73 m, c'est la taille de nos grenadiers. Les lapons ont longtemps passé pour être les plus petits de tous les hommes. Keppel Rock, qui est resté tout un hiver parmi eux et a pu mesurer un grand nombre, a reconnu que leur taille moyenne était de 5 pieds à 5 pieds 2 pouces, 1,52 m à 1,65 m. Mais il y a plus petit encore que les lapons, ce sont les bochimans. Barrow, dont les mesures ont été prises dans un kraal de 150 habitants, a trouvé que l'homme le plus grand n'avait que 4 pieds 9 pouces, 1,44 m, la moyenne était de 4 pieds 6 pouces, 1,31 m. En comparant ces chiffres à ceux que nous citions tout à l'heure à propos des patagons, on trouve que le rapport entre la plus grande taille et la plus petite est représenté par un étroit dixième, c'est-à-dire que la première est bien loin d'être double de la seconde. Or, pour peu qu'on se rappelle ce que nous avons dit de l'influence des milieux, on comprendra parfaitement ces variations. Ainsi donc l'objection tirée des différences de la taille n'est pas, à vrai dire, une objection sérieuse. Monsieur de Quatrefages a eu recours à un procédé fort ingénieux pour en faire ressortir la futilité. Il a dressé un tableau comparatif de 160 races humaines et, les disposant par ordre de taille, il a démontré que, pour passer de l'une à l'autre, la différence de niveau n'est que d'un millimètre. Si donc vous tenez absolument à ce que la taille crée des espèces, à quel endroit de cette échelle établirez-vous votre marque pour les délimiter? Objection tirée des obstacles géographiques. Le plus grand obstacle, c'est l'homme, martyrologe des voyageurs, comment les continents se sont peuplés. Océanie, communication avec l'Asie par les archipels, éléments de population jetés sur la côte, Amérique. Naturel du détroit de Bering allant d'une rive à l'autre, Scandinave abordant l'Islande et le Groenland, Gulf Stream entraînant des navigateurs égarés, un rapprochement emprunté au règne végétal. Cette objection paraît tout d'abord beaucoup plus fondée que la précédente. Que n'a-t-on pas dit, en effet, des marées et des montagnes, des forêts et des déserts, comme ayant dû opposer des obstacles insurmontables à la marche et à l'expansion des races primitives. Oui, sans doute, ce sont là de très grands obstacles, mais on a oublié dans cette énumération que le plus grand de tous vient bien plutôt de l'homme que de la nature. Est-ce que, sans les Touaregs, on ne sillonnerait pas aujourd'hui avec toute facilité le désert qui sépare l'Algérie du Sénégal? Consultez le martyrologe des voyageurs, et comparez le nombre de ceux qui ont péri de la main de leurs semblables avec ceux qui sont morts victimes de l'inclémence du climat ou des empêchements du sol, et vous reconnaîtrez que l'homme n'a pas d'ennemi plus redoutable à combattre que lui-même. Avant donc que l'homme eût pénétré sous les diverses latitudes, qui eût arrêté la marche des premiers groupes humains vers telles ou telles contrées, puisque personne n'était là, soit pour leur embarrer le passage, soit pour leur en disputer la possession, la manière dont les colonies modernes ont progressé et se sont multipliées est un sûr garant qu'il a dû en être de même dès l'origine des temps. D'ailleurs, chacun sait que le besoin de connaître de nouveaux pays et de les assujettir à son empire est un sentiment inné chez l'homme. Aussi a-t-on insisté plus particulièrement sur les obstacles créés par la présence des mers qui séparent et isolent les continents. On a nié surtout la possibilité du peuplement par migration de l'Océanie et de l'Amérique. Ce genre d'objection a pu avoir quelque succès aux époques où l'on ne possédait pas de notions géographiques suffisantes sur les voies par lesquelles les continents peuvent communiquer entre eux, mais il n'en saurait être de même aujourd'hui que, grâce au progrès de la navigation, ces voies sont si parfaitement connues. Peu de mots vont nous suffire pour le faire comprendre. Parlons d'abord de l'Océanie. Océanie, il suffit de jeter les yeux sur la carte pour voir combien l'Asie qui, de l'aveu de tous, a été le berceau de l'humanité, offre de communication facile avec les îles et les archipels qui couvrent ces régions, ces îles et ces archipels offrent de même une extrême facilité de passage de l'un à l'autre. Enfin, les naturels qui les peuplent présentent tous les mêmes caractères physiques et parlent tous les dialectes de la même langue. Ne croyez pas non plus qu'en fait de navigation ils en fussent restés à l'écorce flottante ou à la pirogue du sauvage. Non. Ils possédaient, lorsque les premiers Européens les visitèrent, des embarcations, je pourrais dire des vaisseaux véritables, dont plusieurs étaient parfaitement appropriés aux lointaines excursions. Ainsi s'expliquent ces luttes, ces guerres, ces invasions de territoires entre insulaires, et jusqu'à ses expéditions sur les rives asiatiques, dont les lieux qui en furent témoins ont conservé la trace et les souvenirs. Puis, à côté de ces faits généraux, de ces actes prémédités, que de circonstances fortuites ont pu jeter tout à coup sur des terres inhabitées des éléments de population, ce seront surtout des courants sous-marins, des tempêtes, des cyclones ou tout autre accident de mer. Ainsi, par exemple, Maï a retrouvé, 12 ans après, 3 de ses compagnons qui, partis de Melbourne, avaient franchi à la dérive le détroit de Cook, et avaient été jetés sur les côtes de la Nouvelle-Zélande. Le peuplement de la Polynésie, par migration venant des rives asiatiques, a donc été tellement dans la nature des choses, qu'il me paraît tout à fait superflu d'entrer sur ce sujet dans plus de développement. Parlons maintenant de l'Amérique. Amérique, Buffon, vers le milieu du dernier siècle, avait déjà signalé combien le passage d'Asie en Amérique était facile par le détroit de Bering. La connaissance de plus en plus complète des mers polaires et des races qui en peuplent les rivages a confirmé jusqu'à l'évidence cette remarque du grand naturaliste. En effet, le navigateur qui, longeant les îles Aléoutiennes, se rend du Kamtchatka à la presqu'île d'Aliaska, se trouve au centre d'une sorte d'archipel tellement confus qu'il doit se sentir bien embarrassé pour déterminer la limite des deux continents. Veut-on une preuve de la facilité des communications de l'un à l'autre? Les Tchouktchi, ces peuples originaires de l'Asie, étaient, de temps immémorial, campés à la fois sur les deux rives opposées du détroit qui sépare l'Asie de l'Amérique. Il leur a donc fallu, à un moment donné, passer ce détroit, une fois franchi, qui les a empêchés de se répandre sur le sol américain, qu'ils venaient d'aborder, et de devenir ainsi le noyau de toute une population. Les communications de l'une à l'autre rive ont été de tout temps tellement faciles qu'aujourd'hui encore ces mêmes peuples se visitent fréquemment, soit comme relation de bon voisinage, soit pour traiter de leurs affaires commerciales, en usant des mêmes moyens de navigation dont ils se servaient autrefois. À lui seul, cet exemple suffit pour montrer comment l'ancien continent a pu verser dans le nouveau les éléments d'une partie de la population qui couvre aujourd'hui son vaste sol. Je dis, une partie de la population. C'est que le détroit de Bering n'est pas la seule voie par où l'Amérique ait été accessible aux émigrants. On a pu y pénétrer également par l'Islande et le Groenland, si tant et surtout que les Danois aient abordé les premiers le sol américain. Il semble résulter en effet des recherches de Rafnke, dès avant l'an 1000 de notre ère, le Groenland avait été colonisé par les familles scandinaves qui avaient fui en Islande la tyrannie d'Harald aux cheveux d'or. Or Christophe Colomb n'aborda l'île de San Salvador qu'en 1495. Note. Dans son Histoire des régions circumpolaires, M. Frédéric Lacroix cite une bulle du pape Grégoire IV à Ansgarius, datée de 835, où il est question des missions d'Islande et du Groenland. Le même auteur rappelle que la Pereire a signalé une autre bulle, antérieure à l'an 900, où l'Islande et le Groenland sont également nommés. Probablement à cette époque on ignorait que le Groenland fit partie d'un continent véritable. Fin de la note. Enfin, on a découvert récemment dans l'océan Pacifique un second Gulf Stream, qui, passant au sud du Japon, se dirige vers l'Amérique, comme le premier va de Terre-Neuve aux côtes de l'Ancien Monde. Le courant du Tessan, comme on l'appelle, a donc pu conduire, sur les côtes de la Californie, quelques joncs de navigateurs égarés, comme le Gulf Stream avait jeté sur la plage des Açores ses fruits et ses poutres travaillées, qui avertirent Colomb du voisinage de la terre qu'il cherchait. Note. Monsieur Bancroft rapporte que, depuis 1852, c'est-à-dire depuis la colonisation de la Californie par la race blanche, on a recueilli dans ce pays 28 navires asiatiques dont, c'est ce qu'on tenait encore le personnel qui les montait. Fin de la note. Ainsi s'explique comment la Californie aura concouru aussi bien que le détroit de Bering et le Groenland au peuplement du Nouveau Monde, et, comme sa population a le teint presque noir, il est probable que les émigrants dont elle descend étaient des nègres océaniens. Sans doute il est difficile ou même impossible, parmi toutes ces races américaines, d'indiquer la source originaire de chacune, mais qu'importe pour l'unité de l'homme, puisque, nous le savons, les changements survenus depuis sont le fait de l'influence des milieux. Qu'on me permette ici encore un rapprochement avec les espèces végétales, en prenant de même la vigne pour type. Chacun sait que les cèpes, transportés dans d'autres pays, perdent au bout de quelque temps leur qualité première, pour prendre celle du terroir où ils ont été transplantés. N'est-ce pas un peu l'histoire des migrations humaines ? Objection tirée de certains parasites de l'homme. Les poux, Monsieur Muret s'en fait l'historien, leurs égarements, comment ils deviennent juges de notre race, leur fin lamentable, jeune fille et sangsue, un dénouement grotesque. Nous avons dit que cette dernière objection appartient en propre à Darwin, voici comment il la libelle. Monsieur Muret, dit-il, a examiné avec attention les poux recueillis, dans différents pays, sur les diverses races humaines, et il trouve qu'ils diffèrent, non seulement par la couleur, mais par la conformation de leurs griffes et de leurs membres. Le chirurgien d'un baleinier lui a assuré, de plus, que, lorsque les poux dont étaient infestés quelques habitants des îles Sandwich s'égaraient sur le corps des matelots anglais, ils périssaient au bout de 3 ou 4 jours. Darwin ajoute, ce fait que les races humaines sont infestées de parasites qui paraissent être spécialement distincts pourrait être avancé, avec quelques raisons, comme un argument établissant que les races elles-mêmes devraient aussi être considérées comme telles. Voilà le bouquet. J'ignore ce que Darwin pense dans le fond de l'objection, mais je comprends à merveille qu'il l'ait distingué entre toutes, comme formant le digne couronnement de la série. Car enfin, faisons un retour sur nous-mêmes. Avoir pour premier ancêtre un asticot, pour aïeul de seconde main une sardine, pour grand-oncle un marsupiaux, pour chef de race un singe et pour juge en dernier ressort un poux, que demander de plus? Aussi m'écrirai-je volontiers avec Racine dans Andromaque. 5. Grâce au Dieu, mon bonheur passe mon espérance, oui, je te loue, ô ciel, de ta persévérance. Mais enfin, pour parler sérieusement, autant du moins qu'on le peut avec toutes ces fantasmagories, que signifie une objection de cette nature? Comment, voilà des parasites qui, étant accoutumés à une peau, s'avisent de vouloir en tâter d'une autre? Ce changement de régime ne leur réussit pas, ils meurent. Sans doute, c'est une fin fort lamentable, et, pour mon compte, je les plains sincèrement. Mais, la question de sentiment mise de côté, en quoi cela prouve-t-il, avec quelques raisons, contre l'unité de notre race? Puisque Darwin aime les comparaisons empruntées aux animaux les plus infimes, je vais lui répliquer à mon tour par un exemple de même provenance. Je prescrivis dernièrement des sangsues à deux jeunes filles, sœurs jumelles, qui s'était blessé assez grièvement en tombant ensemble d'une balançoire. Chez l'une, ses annélides prirent avec une véritable furia, et, ne lâchèrent la peau que quand elles furent gorgées de sang, confère Horace, art poétique. Chez l'autre, au contraire, elles firent les difficiles, et c'est à peine si elles effleurèrent l'épiderme, Dante superbo, avec mépris, confère Horace, sermonum. Cependant, ici encore, la peau semblait offrir toutes les conditions voulues pour les mettre en appétit. D'après votre manière d'argumenter, non seulement ces deux jumelles ne seraient pas de la même famille, mais même elles appartiendraient à des espèces animales complètement différentes. Est-ce assez absurde? Réellement, on ne sait jamais à quoi s'en tenir avec Darwin. C'est l'homme aux surprises. Il survient tout à coup, comme le Deus ex machina, pour brusquer les dénouements et surtout pour leur donner une tournure grotesque. L'unité de l'homme prouvée par la fécondité des races. Preuve fournie par la communauté des langues, pourquoi je n'en parle pas? Preuve fournie par les unions physiques, Buffon, union toujours féconde, conséquence à en déduire, avantage du croisement des races, le type parisien, inconvénient des mariages entre consanguins, les grandes d'Espagne, la loi religieuse d'accord avec une saine physiologie. Maintenant que nous avons réfuté les principales objections qu'on a élevées contre l'unité de l'homme, nous pourrions à la rigueur en rester là, car la réponse à une objection devient un argument en faveur de la théorie contre laquelle elle était dirigée. Mais telle est l'importance du sujet que je ne veux rien omettre de ce qui peut porter la conviction dans les esprits. J'en arrive donc aux preuves directes. J'avais décrit, dans la première édition de cet ouvrage, deux genres de preuves, les preuves fournies par la communauté des langues et les preuves fournies par la fécondité continue des races. Je m'en tiens, dans celle-ci, à ce second ordre de preuves, en voici le motif. On m'a fait remarquer que peu de personnes sont au courant de la linguistique moderne. Ainsi, les trois langues auxquelles elle a ramené tous les idiomes connus, les langues monosyllabiques, les langues agglutinatives et les langues flexionnelles, réclameraient le secours d'une quatrième langue pour être bien comprises. Je vais donc me contenter de reproduire la déclaration suivante d'Alexandre de Humboldt, comme résumant parfaitement ma thèse. Quel qu'isolé que puissent paraître certains langages, quelque singulier que soient leurs caprices et leurs idiomes, tous ont une analogie, entre eux qui rappellent une origine commune. Note. Cette unité d'origine des langues explique en partie, par leur unité de type, la faculté merveilleuse que portait le cardinal Mésofanté de les parler toutes. J'ai beaucoup connu son éminence à Rome, en 1845. C'était sous le pontificat de Grégoire XVI. Le pape alors était libre, et son pouvoir respecté à l'égal de sa personne. Comme le Saint-Père aimait beaucoup à faire briller les talents du cardinal, il voulait qu'il se tînt à ses côtés dans les grandes réceptions du Vatican, et alors avait lieu la petite scène que voici. Chaque diplomate, après avoir été salué sa sainteté, abordait le cardinal et lui adressait quelques paroles dans la langue de son pays. Celui-ci répliquait de suite dans la même langue, et cela avec une spontanéité parfaite et sans le moindre accent. Fin de la note. Contentons-nous donc des preuves fournies par la fécondité continue des races. Celles-ci d'ailleurs sont tellement concluantes qu'elles peuvent parfaitement tenir lieu de tout autre. Nous avons dit, en traitant des espèces et des races, que ce qui caractérise l'espèce, C'est la propriété qu'ont les races qui en émanent de se croiser entre elles et de donner ainsi naissance à des produits indéfiniment féconds. Ces caractères, nous les retrouvons intégralement chez l'homme, ainsi que le prouvent les unions physiques entre les divers peuples. Écoutons Buffon. Lorsque, dit-il, après des siècles écoulés, des continents traversés, et des générations déjà modifiées par l'influence des différentes terres, l'homme a voulu s'habituer dans des climats extrêmes, et peupler les sables du midi et les glaces du nord, les changements sont devenus si grands et si sensibles, qu'il y aurait lieu de croire que le nègre, le lapon et le blanc, forment des espèces différentes. Mais on s'est assuré que ce blanc, ce lapon et ce nègre, si dissemblants entre eux, peuvent cependant s'unir ensemble et propager en commun la grande et unique famille de notre genre humain. Il est donc certain que tous ne font que le même homme. Buffon reproduit cette même pensée ailleurs en termes non moins excellents. Si, dit-il, le nègre et le blanc ne pouvaient produire ensemble, si même leur production demeurait inféconde, si le mulâtre était un vrai mulet, il y aurait alors deux espèces bien distinctes, le nègre serait à l'homme ce que l'âne est au cheval, ou plutôt, si le blanc était homme, le nègre ne serait plus homme, ce serait un animal à part comme le singe, et nous serions en droit de penser que le blanc et le nègre n'auraient point une origine commune. Mais cette supposition même est démentie par le fait. Puisque tous les hommes peuvent communiquer et produire ensemble, tous les hommes viennent de la même souche et sont de la même famille. Ainsi nous pouvons regarder comme un fait parfaitement acquis à la science que non seulement l'homme forme une espèce à part, mais que cette espèce est une, en ce sens que les diverses races dont elle se compose contractent entre elles des unions indéfiniment fécondes. Je dirai plus. Il importe dans l'intérêt des races elles-mêmes que ces unions, loin de rester confinées entre elles, soient le plus variées que possible, les produits, pour me servir des termes techniques, n'en devant être que meilleurs. Voyez la population parisienne, on la cite avec raison, surtout pour ce qui est de l'élégance des formes, comme un type à part. C'est que rien n'est rare comme un Parisien pur sang, je veux dire, né d'un père et d'une mère de Paris, presque toujours l'un des deux est originaire de la province ou de l'étranger. Citons, par opposition, les grandes Espagnes. Ce terme forme même une sorte d'antiphrase, car ceux qu'il désigne ainsi, loin d'être grands, sont presque tous au contraire d'une taille assez petite. C'est que, de temps immémorial, la noblesse espagnole s'est mariée entre elles, ce qui a créé entre chaque famille une sorte de parenté. Or, on sait quels inconvénients sont attachés, en général, aux unions de ce genre. Aussi la loi religieuse qui interdit le mariage entre consanguins ne repose-t-elle pas seulement sur de hautes considérations morales, elle est d'accord également avec les enseignements d'une saine physiologie. En résumé donc, la fécondité continue entre les diverses races humaines constitue le plus puissant argument en faveur de l'unité de l'homme. Markendanarchive.org 2022, d'après Gallica BNF-FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.